ce qu'on va, où ça fait. Ça fait depuis 8h du matin que je suis là. Ça m'a déjà gonflé. Tu peines de clip, par le clip, la Gérino, par la Gérino. Fan Cabrera. Eh, commence pas à me les casser, Belloni, hein. Moi aussi, ça fait depuis 8h du matin que je suis là, je les attends. Ils prennent pour qui, eux? C'est ma vie de ma mère qui m'a envoyé un message sur Facebook, elle m'a dit oui. Coucou, ça va? Je m'en fous. Tu vois pas qu'on est en retard pour le centre de l'Algérie? Gros, de toute façon, moi, j'ai pas envie d'aller à ce clip. Il fait que des musiques pour l'été, et moi, je l'écoute. Non, c'est la bombe, j'ai entendu, je te jure. Il rappe même pas dans les temps. Bah, vas-y, allez, avance, arrête de venir. Arrête, moi, tu les dégâts. Ah, mais plus vite que je suis quand même, t'es fatigué, je me les supporte pas. Je cave la tête qu'il a, on dirait David Louis, accroche le corps. Tu m'en as rien? Moi je fais les fils en l'air. Ça va, bon, l'équipe. Ça me fume. Alger, j'ai écouté ton dernier son. Qu'est-ce que j'ai kiffé? Mais lui, j'ai commencé à le faire écouter. Je commence à me dire oui, j'aime pas trop. C'est un son d'été. Ça s'écoute pas à l'hiver. Et là, Girino, il rappe pas dans les temps. Il commence à. C'est bon, arrête d'inventer des histoires, tu es en train de m'énerver là. Arrête d'inventer des histoires, tu es en train de m'énerver. Va pas en aller faire une fuite, moi et lui, là, tu es en train de tout gâcher. Ah, c'est pas vrai là, j'ai jamais dit ça. Oh, franchement, vous êtes bien les gars ici. Fou, vous êtes calés. Et ta coupe, oh. Franchement, t'as vu André Elvis pressé. T'as vu quand il est pressé? T'as vu, il a pas. Dès qu'il a pas trop le temps, il se réveille le matin, il va direct au travail. Je rigole, on le prend pas mal, hein, frère. On fait un son demain, si tu veux. Par contre, c'est de la vérité, il veut juste couper les cheveux. Un petit peu, tu as vu, juste tu me rafraîchis un peu sur les côtés. Les yeux. Ça, tu l'as, René, qu'est-ce que tu as dit? Bon, moi. D'accord, bon, on m'arrive. Au gazine de vie absolument. Ah, je croyais qu'il est en train de suiter ta daronne, gros. Ah, bon, tu insultes ma daronne, non, mais je vais te mettre le corps, gros, vas-y. Détends-toi. Il a juste dit qu'il faut qu'il appelle son père. Maman, pas scène de vie, parce que. C'est une chantier, t'as. Mais qu'est de vie, gros? C'est même pas un coiffeur qu'il lui faut, enfin! C'est un paysagiste, gros! Après, tu commences à dire de lui, je crois qu'il va acheter un riz, toi. Commence pas à dire bambara, même qu'est-ce que là, je sais pas quoi, là. T'es sympa, ça relâche! Mais ouais, mais gros, il a un buisson sur la tête, on dirait Tahiti Boy, lui il parle portugais! C'est quoi, c'est une pub pour le Real que tu nous fais, gros? Bande de folles que vous êtes! C'est ça que tu reproches, l'Algérino, hein! Et bim! Ouh! Oriental Dream, Habibi, ingénieur du son, Néné, Nashi à la manigance, ah ah, hey, j'suis dans mon bolide. We'll be right back. Thank you.